Ça dépasse, dégasse, ton son dépasse. Ce soir, rail na rail, on prend plus, tu connais les bails. Frida ou fait plus Hussein, grâce à qui tes jambes s'expriment. Algérien, au danger, pas la peine de nous plagier. Lève les bras, c'est bon. On va te pas voir, on va te pas voir, on va la refaire. Hein. Ouais, on va la faire. Tiens, tu sais que c'est moi. Reste dans la partie.